Attends-toi à ce que je me traîne à tes pieds, Laura. J'ai constaté que même un silence de toi pouvait pousser mon rire à mourir. Attends-moi, toi tu es la reine des sommets. L'orage sévit dans les plaines, tu ne m'entends pas. Je suis parasité malgré moi. Elle a su simplement enfermer mon cœur dans son appartement. Avec ou sans toi, j'ai quelques problèmes, tu t'en fous. Laura, je suis désolé quand même si tu vas par là. Ça me convient aussi, dépose-moi. Encore une fois, c'est d'en bas que j'appelle. Elle se penche parfois de son nid d'hirondelle. Daigne me recevoir, ne me laisse pas de place pour m'asseoir. Elle a su simplement changer les clés de son cœur et de l'appartement. Attends-toi à ce que je me traîne à tes pieds, Laura. En attendant, je sais que le jour viendra où je pourrai en mourir de rire. Attends-toi à ce que je me traîne à tes pieds, Laura. En attendant, je sais que le jour viendra où je pourrai en mourir de rire.